Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur les arts vivants queer. Aujourd'hui, dans Freaks et Merveilles, je reçois une poétesse du corps, au sens peut-être le plus radical du terme. Par son art, elle démonte les limites et démontre qu'on peut tellement plus que ce qu'on se raconte. Par le beau et le sauvage, elle nous emmène dans des contrées poétiques où tout est possible, et tellement plus que cela. Aujourd'hui, je reçois la contorsionniste Gabrielle Régade. Bonjour Gabrielle. Bonjour Manu. Comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Oui, ça va très très bien. Alors, tu es contorsionniste. J'ai eu l'occasion. Alors, je ne t'ai jamais vu performer sur scène. J'ai plongé dans ton Instagram après qu'on se soit rencontrés à la réunion de Rêve Colère qu'on a évoquée il y a deux semaines avec Sugar Love. Et moi, personnellement, alors, le contorsionnisme, c'est quelque chose que j'ai toujours vu d'un petit peu loin. Mais je voulais profiter de t'avoir là pour en parler de cet art dont on parle vraiment pas beaucoup, j'ai l'impression, et qui est peu représenté. Donc, d'habitude, quand on te demande « mais c'est quoi être contorsionniste ?», comment tu réponds à ça ? Alors, je réponds déjà de manière très technique que c'est un art qui vient du cirque, qui utilise la souplesse extrême du corps pour pratiquer des figures et utiliser ces figures dans des numéros qui sont présentés sur scène. Et l'instrument principal, ça va être la souplesse. Ben oui, ça je vois tout de suite dans tes, dans tes vidéos. Et il y a des moments, alors je sais pas à quel point c'est voulu, mais tu sais, il y a des moments où je suis en partagé entre une espèce d'émerveillement par rapport effectivement aux figures que tu arrives à faire avec ton corps et une espèce d'empathie à me dire oh, ça doit être douloureux. Est-ce que c'est douloureux quand tu fais ces figures ? Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment un des... Bon, y a pas mal de clichés qui entourent la contorsion au niveau de l'imaginaire collectif. Je pense que c'est un espèce de fantasme qu'il y a autour de cette pratique qui est assez mystérieuse parce que justement, on est assez peu nombreux à la pratiquer, surtout en Belgique, même si ça commence à se développer pas mal dans d'autres pays. Il y a même des pays dans lesquels c'est un sport national presque. D'accord. Donc voilà, mais chez nous c'est assez méconnu, donc il y a aussi pas mal de zones de flou qui donnent ces clichés, dont le fait que c'est douloureux, que ça peut être dangereux pour le corps, etc. Et en réalité, si c'est bien fait avec une technique appliquée méticuleusement et rigoureusement, il n'y a pas de douleur et moi, au contraire, ça me fait du bien. D'accord. Donc, j'avais des douleurs de dos, même avant de commencer la contorsion, qui ont disparu avec ma pratique. Okay. Et ça, c'est quelque chose que je vois même régulièrement dans d'autres personnes qui m'entourent ou chez mes élèves, etc. Donc, voilà, c'est vraiment une pratique qui, si elle est bien faite, elle est complètement safe pour le corps. Trop chouette. Oui, alors, tu as une pratique de pédagogue. On aura l'occasion d'y revenir plus tard dans cette émission. Mais du coup, oui, alors déjà, est-ce que tout le monde peut faire de la contorsion ? On va un peu débunker les gros clichés oui, de cette première partie. Ou est-ce qu'il faut être hyper lax ? Ou est-ce qu'il faut avoir une espèce de talent de naissance ? Alors, pour en faire en tant que loisir, il n'y a pas besoin d'être hyper lax. Après, j'avoue que pour en faire professionnellement, c'est bien d'avoir des prédispositions. Donc, toutes les contorsionnistes ne sont pas hyper laxes, mais il y a quand même une bonne base de souplesse, parce que la souplesse peut être développée jusqu'à un certain point, mais il y a quand même une sorte de potentiel de base dans le corps. Et après, si tu veux montrer ça sur scène, c'est quand même intéressant de pouvoir aller loin dans les postures pour pouvoir rentrer dans la case contorsion. Et donc, il y a quand même des prédispositions qui sont vraiment présentes. Après, il y a tout un travail généralement à faire sur un autre aspect qui est la musculature, où ça, on y pense peu quand on pense à la contorsion. On pense que souplesse. Mmh. Et en fait, surtout les personnes qui vont faire de la contorsion professionnellement sont soit très, très laxes, soit hyper laxes, soit très, très souples. Et les corps comme ça, souvent, ont beaucoup moins de musculature et ça devient plus difficile de développer les muscles que de développer la souplesse. Or, pour avoir une souplesse, des figures de contorsion qui sont construites, tu as besoin de musculature, sinon ton corps ne se tient pas. Donc, il y a quand même un gros travail à faire au niveau musculature. J'ai dévié de ta question. Non, mais c'est très bien. Sens-toi libre de dévier, dévions. Mais donc il y a quand même, j'avoue, des prédispositions de base si tu veux être professionnel. et pratiquer ce métier. Après, pour le loisir, c'est vraiment accessible à tout le monde. Mmh. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amené vers la contorsion ? Complètement par hasard. Mmh. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes quand j'ai commencé des cours de trapèze à l'école du Cirque électrique de Paris. Et en fait, on m'a réorientée gentiment vers la contorsion en me disant que j'avais un dos très souple et qu'en fait, c'était une pratique qui était plus adaptée pour moi que les aériens. Je n'étais vraiment pas musclée du tout. J'avais des tout petits bras et j'essayais tant bien que mal de me suspendre au trapèze. Oui, et donc, voilà, j'ai eu la chance de m'entraîner avec un professeur d'acrobatie. Merci à lui. Moi, je n'avais aucune connaissance de cette discipline à la base. Enfin, en tout cas, ça me paraissait très inaccessible. J'avais vraiment l'image que... Si tu n'avais pas commencé à 6 ans, tu ne pouvais pas faire ça. Et donc lui, il m'a vraiment ouvert la porte de ce métier, en tout cas de cette pratique dans un premier temps, puis du métier, en me conseillant les professeurs avec qui je devais aller travailler, etc. Et donc le premier cours que j'ai fait, c'était une grande découverte. Je n'avais aucune connaissance de ce que c'était. Mais à la fin du cours, j'avais vraiment eu un déclic et je me suis dit « Ok, c'est ça ». Je sais que c'est ça que je veux faire. Et donc là, j'ai tout revu, mon plan de carrière, et j'ai tout changé. Et ça s'est mis vraiment comme un coup de cœur et aussi un coup de chance. Ok. Mais donc au départ, tu te destinais déjà à devenir circassienne ? Non, je faisais pour le loisir. D'accord. Ouais. À la base, j'étais dans une formation de construction de décors pour la scène, le cinéma, effets spéciaux et tout ça. Ok. Et j'ai découvert la contorsion en même temps. Donc, je me suis dit, bon, je ne peux pas choisir deux métiers intermittents. Il faut faire un choix. Ça va être trop compliqué. Donc, j'ai fait le choix de la contorsion. Ok, super. Et aujourd'hui, t'en vis, c'est ton activité professionnelle principale. Tout à fait. Super. Il y a toujours ce moment dans une pratique où on trouve son chemin à soi. Mmh. On arrête de faire de la contorsion et on trouve sa contorsion. Oui. Comment est-ce que toi, du coup, tu définirais ta contorsion? J'en ai amené des petites touches d'après ce que j'ai pu voir sur ton site internet et sur ton Instagram dans l'introduction, mais comment toi t'en parlerais? Alors moi, de base, je t'ai attirée par beaucoup d'autres arts que les arts du corps, notamment l'écriture de textes, de poésie. J'ai parlé que j'avais fait une formation en sculpture, donc le dessin, j'ai beaucoup fait aussi. Donc j'ai vraiment gravité dans le milieu de l'art toute ma vie, sachant que ce serait ça, et jusqu'à trouver mon médium d'expression principal qui est la contorsion aujourd'hui. Mais ça n'empêche que je reste influencée dans ma pratique du corps par toutes ces formes d'art. Donc ce qui caractérise ma contorsion, avec mon identité, ma signature, c'est plutôt des mouvements très très lents. J'aime bien amener le corps comme s'il était dans une forme de suspension, comme s'il était suspendu dans l'espace-temps. Et donc pour ça, j'utilise la lenteur. J'aime bien cette idée de flottement, d'être comme un peu une sorte de mirage, quelque chose qui ne peut pas se toucher, s'attraper, quoi. Et ça, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens et ce que j'aime à faire voir quand je pratique. Je pense que c'est plutôt autour de ça que ça tourne. Oui, et je trouve que cette lenteur, ça amène aussi qu'on suit ton mouvement, mais comme ça nous emmène dans un ailleurs, dans une espèce de rêve éveillé, parce qu'aussi il y a... Alors je ne sais pas si toi c'est quelque chose que tu amènes consciemment dans ta pratique, mais moi je ne peux pas m'empêcher en voyant ça de me dire « mais c'est impossible de se retrouver avec sa tête entre ses genoux, mais en étant passé par derrière et tout ça ». Et en même temps tu le fais, effectivement, comme il y a cette espèce de grande lenteur, il y a une grande maîtrise. Et c'est pas du tout explosif, mais du coup, tout à coup, on se dit « Ah, en fait, elle est dans cette position-là. » 100%. Voilà. C'est 100% ça que j'essaye d'amener. D'ailleurs, on m'a souvent dit qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'inspiration du buteau qui pouvait revenir dans ma gestuelle. Donc, je suis allée aussi un peu voir vers ça. J'ai fait un stage ou deux. Et c'est vrai que j'aime bien ces méthodes... et ces danses, ces arts qui permettent d'emmener le spectateur quelque part sans qu'il s'en rende compte. J'aime pas trop utiliser la contorsion pour choquer, aussi parce qu'il y a beaucoup cette image du démembrement du corps Ça, c'est un autre cliché aussi qui est très fort présent dans la contorsion, où on a l'impression qu'il y a ces... Parce qu'il y a des contorsionnistes qui travaillent avec la dislocation, ce qui n'est pas mon cas. Notamment donc, au niveau des épaules, etc. Ça arrive souvent, oui. Exactement. Et on a l'impression que le corps se démembre. Et là, c'est presque de la provocation pour choquer, etc. Moi, ce n'est pas trop mon angle d'approche. J'aime bien que les choses soient faites en douceur. Je pense que le message passe mieux quand le public est avec nous. Et que si le spectateur est choqué, je pense qu'il ferme les portes. Mmh. Et donc, j'aime bien y aller lentement aussi pour montrer que bah, je respire, ça respire. Qu'il y a quelque chose qui existe en étant vivant. Parce que le démembrement, c'est presque un corps qui est mort, tu vois, enfin, ou qu'on met en pièces, quoi. Voilà. Et donc, moi, j'aime bien aussi amener une forme de douceur, d'élégance et de légèreté pour que le public se sente bien et qu'il soit plus ouvert à recevoir le message que je veux transmettre et à y voir de la beauté. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. J'ai un sentiment de grande unité quand je pratique dans mon corps, justement, à la contraire de cette image de la dislocation. C'est comme si, moi, au contraire, mon corps, je le sens un et uni. D'accord. Et donc, j'aime bien pouvoir amener ça aussi, partager ça avec le public et montrer une contorsion qui est plus accessible, finalement. Même si ça reste impressionnant, montrer tout ce que le corps peut faire de beau, en fait. Parce que la contorsion, pour moi, c'est ça. C'est, en fait, on montre toutes les possibilités et l'étendue des possibles du corps humain. Je trouve ça fabuleux, en fait. C'est vraiment ça qui me touche avec cette pratique. Qu'en fait, on peut tout faire. Mais oui, ouais. Et repousser les limites de ce qu'on croit c'est ça. Être les limites du corps. C'est... Est-ce que tu rapprocherais ça d'une... Alors, avec beaucoup de guillemets, mais d'une forme de yoga? Ou est-ce que ça fait partie des clichés à débunker sur la contorsion? Non, mais je rigole parce qu'on pense souvent que j'adore le yoga et que je bois du thé. Alors que j'aime pas le thé. je n'ai jamais fait de yoga de ma vie. Mais j'ai une approche, effectivement, on me l'a déjà dit souvent, qui fait penser au yoga. Je pense parce qu'il y a un aspect très méditatif dans la contorsion qui peut s'y apparenter. Mais pour moi, c'est différent parce que le yoga, c'est vraiment une vocation plus spirituelle, évolution personnelle, que la contorsion, cet aspect performatif et artistique que le yoga n'a pas. Après, il y a de grandes similarités au niveau de certaines postures et de la manière d'aller dans les postures. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec la respiration, la conscience du corps. C'est vraiment la qualité numéro une pour pratiquer la contorsion. Et parce qu'en fait, tu vas tellement loin que tu dois être 100% conscient de chaque micro-partie de ton corps. Mmh. Parce qu'on est tout le temps sur la ligne, en fait. On ne peut pas basculer de l'autre côté, sinon tu peux aller trop loin, te blesser ou quoi. Donc, tu dois toujours être en maîtrise de 100% de ton corps. Et ça demande une grande conscience, une intériorisation, la proprioception. Et tout ça, c'est des qualités qu'on retrouve beaucoup dans la pratique du yoga. Mmh. Mmh. Et en même temps, comme tu le disais un petit peu en début d'émission déjà, il faut... repousser les limites et repousser aussi les limites qu'on se met à soi. C'est ça. Se dire, je peux aller plus loin et je peux, en tout cas, calmer mon esprit, lâcher prise par rapport à ça. Moi, je travaille déjà un petit peu de souplesse au niveau de la pôle et tout ça. Et c'est très compliqué pour moi parce que je sens aussi qu'il y a des blocages psychiques qu'il faut que j'apaise et que parfois, je me mets dans certaines positions. Je me dis, mais c'est pas possible, je dois sortir de là. Alors qu'en fait, mon corps y est et qu'en soit, il ne se passe rien de mal. Oui, c'est ça. Donc, j'imagine qu'il doit aussi y avoir un travail psychologique 100%. À faire pour accompagner... Complètement. En fait, la majorité, c'est surtout psychologique. Bon, bien sûr, le corps doit y aller progressivement. Au niveau plus anatomique, le temps d'adaptation des tendons, des ligaments, etc. Mais il y a beaucoup des barrières psychologiques parfois où on se dit « c'est pas possible ». Et alors, on prend peur aussi quand on est dans la posture. Enfin, il peut y avoir des moments comme ça. Donc, c'est aussi savoir calmer l'esprit, rester ancré et effectivement lâcher prise au bout d'un moment. Ouais. Mmh. C'est fort présent. Alors, avant de faire une première petite pause musicale, tu fais aussi de la suspension aérienne, ce qui est aussi quelque chose qui me fascine en beauté et un peu en terreur aussi. Comment ça se passe, la suspension? Donc, de l'extérieur de ce que je vois, moi, je dirais, et après, tu vas débunker ce qui ne va pas dans ce que je dis. Mais je dirais qu'en gros, tu t'attaches les cheveux avec des espèces de gros mousquetons que tu que tu t'accroches à des suspensions aériennes. Ouais. Et puis, en fait, après ça, tu danses en étant suspendu par les cheveux et par la tête. Oui, c'est ça. Est-ce qu'en gros, c'est juste? En gros, c'est assez ça. Oui, c'est ça. Il y a une coiffure assez spécifique. Il y a tout un tressage avec des cordes qui sont dans les cheveux et tout ça qui est très technique. Et qui est ta sécurité. Mmh. Donc, il y a toute cette coiffure qui est un peu comme une forme de rituel, d'ailleurs. Oui, où j'imagine. Tu coiffes tes cheveux. En plus, moi, ils sont super longs. Donc, je coiffe vraiment pendant longtemps. Tu dois démêler les cheveux. Il y a des huiles à passer. Ah, il faut tresser, etc. Donc, c'est vraiment comme une préparation, un rituel. Et après ça, effectivement, il y a un anneau qui est pris dans la coiffure et qui s'accroche à des mousquetons. Et puis après, après tu voles. C'est ça. Et c'est fou parce que au niveau cervical, au niveau du cou, etc., bon, je vois, ben, toi et aussi d'autres que j'ai déjà vus, que la posture est très très droite. Mmh. On sent qu'il y a une verticalité qui est recherchée. Mmh. Mais ça doit encore être un challenge différent de la contorsion au niveau de... Justement, de la musculature, de tout ça. Oui, étonnamment, quand même assez similaire dans l'approche. Parce que, alors la suspension, ça fait un an que j'en pratique, donc c'est quand même assez récent. Mais de ce que j'en découvre pour le moment, c'est qu'il y a des dynamiques qui sont assez similaires à la contorsion, c'est-à-dire que tu as besoin d'être à l'intérieur de toi pour calmer les sensations s'il y en a, calmer le mental, la peur. Pour l'instant, j'ai encore un peu d'appréhension certaines fois avec la suspension. Il y a des jours où c'est douloureux, il y a des jours où je sens rien. Donc je suis encore un peu en train de naviguer pour découvrir ce qui se passe, ce monde mystérieux. mais il y a quand même des choses assez similaires. En tout cas, je pense dans l'approche. Et d'ailleurs, beaucoup de contorsionnistes pratiquent la suspension capillaire aussi. Ah oui. Ouais. C'est marrant ça, donc, parce que a priori, moi, je lirais pas les deux. Mais d'après toi, qu'est-ce qui fait que... Je pense la manière d'approcher la pratique. Et puis aussi parce que comme tu es libre de tes mains, de tes jambes, quand tu es dans les airs, bah c'est aussi très joli d'avoir des belles figures de souplesse. Ah, tu vois, ah oui, oui. Aussi dans ce sens-là, quoi. Super. Ouais. Eh ben merci, merci pour toute cette belle introduction à toutes ces pratiques que je ne connais tellement pas. On va faire une première pause musicale. Et la première piste que tu nous amènes, c'est une piste de Aneta qui s'appelle Endless Sea. Est-ce que c'est un morceau sur lequel tu performes ou qui t'inspire ou... Aneta, j'aime beaucoup son travail. Je m'inspire beaucoup de la musique techno de manière générale quand je crée. Entre autres, parce que j'adore aussi des chants très célestes et des musiques classiques. Mais on verra ça tout à l'heure. Mmh, et petit teasing. C'est ça, petit teasing pour la suite. Mais oui, je m'inspire beaucoup de ces sons pour créer. Super. Eh ben, on vous laisse avec alors un extrait, parce que la piste dure 7 minutes, de Aneta, Endless Sea. Vous êtes sur Radio Panique et c'est Freaks et Merveilles. On se retrouve juste après ça. Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Freaks et Merveilles. Alors, je coupe malheureusement parce qu'on a un podcast à continuer, mais c'était chouette. Donc, Endless Sea de Aneta. Donc, est-ce que c'est une chanson sur laquelle tu as déjà performé celle-là, ou c'est dans tes inspirations et ton mood? Plutôt dans mes inspirations. Et voilà, quand je fais des sessions impro, j'aime bien mettre ça et explorer les différents types de mouvements. Mmh. C'est plutôt une musique qui m'inspire bien. Cool. Et ben, tiens, justement, c'est intéressant de s'attarder un peu sur ton processus créatif. Comment tu crées un numéro? Vaste question. J'aimerais bien... À chaque fois, les invités sont là. Je sais pas, je fais des trucs. J'aimerais bien avoir une méthodologie plus carrée. Oui, en fait, c'est assez marrant parce que... De manière générale, je pars toujours avec un numéro qui est écrit, mais j'aime assez bien avoir une marge aussi de manœuvre sur scène. C'est-à-dire que je me laisse toujours des petits moments où je sais globalement que je dois aller de là à là, parce que j'aime le côté spontané. Mmh. Et je trouve que c'est plus authentique. Je suis plus authentique quand je sais que j'ai ces mouvements de battement où, ben, en fait, ça fait peur aussi d'avoir des moments où il n'y a pas quelque chose qui est prévu. Et ça me permet aussi de créer en fonction de qui je suis le jour J et de, voilà, de ce que je reçois aussi du public, etc. Donc je laisse toujours des petits moments vides pour ça. Et après, malgré tout, j'ai quand même une écriture chorégraphique qui est menée et je sais où je vais, je sais quelle figure je vais amener, à quel moment, etc. Oui, parce que je me dis qu'aussi, avec la contorsion, il y a un impératif corporel qui est là. Tu ne peux pas faire n'importe quoi et enchaîner n'importe comment tes mouvements. Oui, c'est plutôt au niveau des temps de repos, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai des figures un peu repos où je peux respirer deux minutes parce que quand on enchaîne les chest stands, donc pour les personnes qui ne connaissent pas les chest stands, c'est des... figure où tu es posé sur le menton. D'accord. Et tu as tout le corps qui est en avant, les pieds au sol, mais devant toi. Tu vois, comme un pont, mais sur le menton. Et donc, si tu enchaînes longtemps ça, alors après, tu respires beaucoup moins, avec beaucoup moins d'ampleur. Donc, il faut une petite figure de pause, entre guillemets, qui soit plus simple, où je peux respirer. Donc, c'est plutôt dans cette construction-là où je dois penser avant, même si, sur le moment T, quand tu es devant le public, tu donnes tout et puis tu vois après quoi. Avec l'adrénaline et tout. C'est ça. Ouais. Mais donc comment je crée mes numéros, ça dépend déjà si c'est pour un thème spécifique ou si c'est moi qui crée un nouveau numéro sous une inspiration que j'ai. Mais donc peu importe, j'ai déjà mon thème à la base et après ça, je fais de l'exploration de mouvements sur une musique qui me plaît. Je passe des heures à écouter des playlists pour choisir la musique parfaite. Et une fois que j'ai la musique, là, ça vient assez naturellement. Mm-hmm. Je crois que quand même, j'ai la chance de créer assez vite. Okay. Donc, je passe la musique, je m'en imprègne à fond. Et je fais de l'impro, je la vis et je vois ce qui sort. Et après, je prends les éléments que j'aime et je les assemble pour faire quelque chose qui soit cohérent, tant dans l'enchaînement des figures que dans la narration du numéro, s'il y en a une. Mmh. Alors, tu pratiques dans pas mal de milieux. D'ailleurs, tu n'es pas queer toi-même, mais tu performes régulièrement dans des cabarets queer, dans des milieux queer, mais aussi dans des soirées type clubbing ou bien dans des cabarets plus classiques ou plus gros. Qu'est-ce qui change pour toi entre ces différents milieux dans lesquels tu performes, ou est-ce que les demandes sont différentes? Comment ça... Oui, c'est une bonne question. Mais j'imagine qu'entre une soirée clubbing et un cabaret, c'est pas le même délire déjà. Oui, 100%. En fait, je différencie un petit peu ma pratique de la contorsion en tant que contorsionniste qui travaille et artiste contorsionniste. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait vivre, ce pourquoi je fais cette pratique, c'est l'art. Je peux pas vivre sans art, c'est dans mon quotidien tout le temps. Et j'ai besoin de créer des numéros qui me ressemblent, qui soient vraiment, qui témoignent de mon identité, de ma signature, qui aient des messages. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Et en même temps, j'ai aussi conscience de la réalité des choses. C'est que, en fait, si je veux vivre de mon art, il faut que j'ai des contrats qui soient plus commerciaux, qui me permettent de vivre à côté. Et en fait, c'est un compromis, mais que je préfère faire plutôt que de travailler à mi-temps dans un autre job. Donc, j'ai ces milieux plus cabaret qui permettent beaucoup plus de liberté au niveau de la création, qui cherchent plutôt des identités artistiques que de la performance pure pour impressionner les publics. Mmh. Et donc, dans ces moments-là, je permets d'être complètement libre et de créer mes numéros et de proposer vraiment ce que je veux montrer et mon essence, on va dire. Et à côté de ça, il y a le clubbing. Quoique le clubbing, ça dépend. Hein. J'ai aussi performé dans des endroits où c'est hyper ouvert. Et alors là, je peux vraiment y aller à fond. Mais c'est vraiment des milieux spécifiques qui sont aussi autour du milieu queer et drag. Et je pense au collectif TBM, notamment. Techno Body Music, qui est un collectif... français qui performe, qui amène des performeurs dans les soirées, clubs, techno hard, un peu partout en France. Et là, vraiment, on cherche de la personnalité à fond, donc ça, c'est super. Et puis à côté de ça, y a tous les milieux plus corporate, où je peux faire par exemple des prestations pour des galas événementiels, des soirées d'entreprise, des choses comme ça. Et là, c'est ce qui clairement me fait le salaire pour le mois. Et où là, ils recherchent aussi quelque chose de plus spécifique, qui est vraiment plus, un peu plus passe-partout, on va dire. Donc là, je mise beaucoup plus sur la performance, les prouesses physiques, même si j'essaye quand même de mettre mes petites touches artistique pour quand même prendre du plaisir dedans. Mmh. Oui, et pas trop te perdre, devenir un automate qui fait ce qu'on lui dit de faire. Exactement. Et dans ces milieux plus corporate, en général, la demande, c'est quoi ? C'est performer pendant 15 minutes ou 30 minutes en faisant ceci, cela, ou bien... Plutôt moins. D'accord. 10 minutes en contention, c'est déjà beaucoup. OK. Donc, généralement, le numéro dure entre 4 et 6 minutes. Numéro long, c'est 8 minutes. Ça peut pousser jusqu'à 10. Mais là, c'est vraiment physique. Okay. Et souvent, oui, c'est ça. C'est des soirées où ils proposent... Il y a plusieurs artistes qui interviennent. Soit un ou deux passages, voire trois passages. Et généralement, on te demande des numéros différents ou alors deux fois le même numéro selon si c'est un public qui va être fixe toute la soirée ou pas. Mm-hmm. Et voilà, performance. Oui, c'est ça, parce que quand on dit corporate, c'est autant... Pardon, je te coupe, mais c'est autant en fait une soirée privée, mais qui est une soirée dansante dans laquelle il y a des performeuses qui sont sur des podiums pour un peu accompagner la soirée et encourager à danser. Ouais. Que vraiment des soirées un peu type cabaret où les gens sont assis en tant que public devant c'est un ça, show. Quoi. Exactement. Ouais. Ouais, donc en fait, ça recouvre des réalités qui sont assez différentes au niveau de l'approche. Et puis surtout des publics complètement différents. Tu vois, en club, tu peux avoir les premiers rangs qui sont super à fond pour voir le show, mais les autres qui sont là pour boire et danser. Que événement corporate, les gens ne savent pas, ils ne sont pas du tout habitués à voir du cirque. Et donc, tu vois, il y a vraiment le positionnement du public est fort différent aussi. Mmh. Ouais. Et parce que dans le cabaret queer, on est assez attaché aux notions de consentement, aux notions de pas toucher les artistes sans leur avoir demandé, etc., etc. Est-ce que ça, c'est des... Tu sens aussi qu'il y a des approches différentes dans ces différents milieux ou bien globalement, on te laisse assez tranquille à ce niveau-là ? Globalement, j'ai jamais eu de mauvaises expériences, mais aussi parce que j'anticipe bien et je cadre vachement avec les clients avant. Okay. C'est-à-dire que si je sais que je performe en club, j'exige qu'il y ait... Enfin, ça fait un peu fort comme non, mot, mais c'est bien. Le cas qu'il y ait deux personnes de la boîte qui soient à côté et qui empêchent les gens de venir trop proches ou de toucher la scène ou de monter sur scène ou des choses comme ça. Donc là, c'est moi qui ai un dialogue toujours avec les organisateurs ou les organisatrices avant pour leur demander spécifiquement tout ce dont j'ai besoin à ce niveau-là. Ok, et en général, c'est bien pris, c'est compris ce genre de demande Généralement, oui. Et puis, en fait, quand il y a une scène, généralement, il n'y a pas de problème. Parce que les gens sont quand même assez intimidés par le podium, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un archi bourré qui ne se rende pas compte. Mm-hmm. Mais souvent, autour des scènes, il y a aussi soit c'est en hauteur, soit tu as des barrières. Donc, ça, ce n'est pas trop un problème. Et c'est plus quand on te demande de la déambulation dans le public. Mm. Là, c'est plus compliqué quand tu performes à 1h, 2h du matin, que tout le monde est déjà bien arraché. Et toi, tu dois... Voilà, y a des gens qui marchent partout, personne regarde où il met les pieds. Et c'est là que je demande généralement... Oui, parce qu'en plus, toi, dans ta pratique, tu vas au sol, quoi. Oui, donc, t'es pas forcément visible par des personnes debout en train de danser. Ouais. D'ailleurs, je ne fais plus de la déambulation pour ces raisons-là. Ouais. Ben oui, je comprends. OK. Et puis, du coup, si on regarde un petit peu l'autre côté, dans tout ce qui est plus cabaret, mm-hmm. Est-ce que tu sens qu'il y a une vraie différence pour toi entre les scènes qui sont plus étiquetées cabaret queer et des cabarets, entre guillemets, plus classiques au niveau de la... Je ne sais pas, de la manière d'élaborer le show, du rapport public, de ce qu'on te demande à toi en tant que performeuse qui va dans ces cabarets-là. Mais au final, en fait, c'est un peu les mêmes dynamiques. Bonne question. Bonne question. Alors... dans ton expérience, hein, après, ouais, c'est... Ouais. Oui, il y a des différences. En fait, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les objectifs ne sont pas les mêmes non plus, je pense. Que dans des plus gros cabarets, tu vas avoir quand même des enjeux d'argent aussi, tu vois, qui ne sont pas les mêmes, je pense. Un public qui n'est pas le même. Parce que quand tu dis des enjeux d'argent, c'est parce que c'est des plus grosses productions privées qui essayent de rentabiliser. Et c'est devant des salles aussi, du coup, plus grosses, j'imagine. Ouais, voilà. Oui, oui. Et puis, tu peux avoir des gens qui payent des places plus chères aussi. Enfin, je pense qu'il y a une idée un peu de luxe quand même aussi autour du cirque qui est fort présent. Où, on est assez présent autant dans les milieux très alternatifs. Le cirque, ça vient de la rue aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de circassiens et circassiennes. On est beaucoup engagés aussi pour des événements luxueux, en fait. D'accord. Ouais. Où, dans des cadres de prestige pour un peu en mettre plein la vue. C'est ça. où tu as des costumes hyper travaillés, tout de paillettes, avec des tirés à quatre épingles dans les cheveux, sur des podiums, des trucs en verre et tout. Enfin, donc en fait, il y a aussi ces deux aspects dans le cirque qui existent vraiment. Donc je pense que ça dépend vraiment des enjeux et des objectifs des lieux qui nous accueillent, je dirais. Et alors c'est intéressant quand tu parles de costumes hyper beaux, etc., etc. Parce que par exemple, dans le cabaret queer, la norme, a priori, c'est que les artistes viennent avec leurs costumes, se préparer eux-mêmes au niveau maquillage, coiffure, etc. Est-ce que du coup, dans ces cadres plus prestigieux, il y a des costumes qui sont prêtés ou qui sont préparés ? Ça peut arriver. Moi, j'ai un costume qui est mon costume de ces lieux-là, clairement. Et d'ailleurs, dès qu'on me contacte pour performer, moi, j'ai une page sur mon site internet où il y a tous mes numéros différents. On me demande tout le temps ce numéro-là. C'est clairement pas pour le thème. Hein. Mm-hmm. C'est juste parce que ce costume, il attire et il est bien pour l'événementiel. Mais ça peut arriver aussi qu'on nous prête des costumes ou qu'on fasse du sur-mesure. Mais donc toi, tu as dû investir, j'imagine, des centaines ou des milliers d'euros dans ce costume-là. Pas mal, oui. Espèce d'investissement pour avoir accès à ces scènes-là, ça, et à ces salaires-là, enfin à ces conditions-là, quoi. Bon, après, c'est pas, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé, quoi, si tu veux aller performer là-bas. Oui, mais c'est intéressant, je trouve, parce que notamment, c'était une des discussions au cœur de la réunion de Rêve Colère qu'il y a eu il y a quelques semaines, c'est cette question des salaires et de la rémunération, et aussi de sensibiliser sur le fait que nous, en tant qu'artistes de cabaret, on arrive avec nos costumes, alors que par exemple, dans une production de théâtre ou d'opéra ou quoi, les costumes, ils sont fournis par 100%. La production, c'est budgété, etc. Oui. Et parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout cette conscience-là chez le public que déjà, du coup, on augmente nos prix parce qu'en fait, on a payé nos costumes, etc., et que c'est un investissement, et que même, ça ferme la porte à certaines personnes parce qu'il faut pouvoir avancer 1000, 1500, 2000, 3000 euros pour un costume, 100%. Pour pouvoir monter sur ces scènes-là, quoi. Ouais, c'est assez ambivalent, effectivement. Surtout que, voilà, comme on disait, le cirque, c'est la rue à la base, quoi. Mm-hmm. Donc, t'as aussi une expérience de cirque plus rue, plus route J'ai pas trop fait en rue parce que la contorsion, il y a tellement de... de conditions pour pratiquer sainement, tu vois, il faut qu'il fasse pas trop froid, il faut pas qu'il pleuve, il faut un sol, enfin. Et puis moi, je suis passionnée des salles de théâtre, donc je cherche le plus possible les salles. Je travaille dans chapiteau de cirque et tout ça, donc c'est un milieu aussi plus roots, j'allais dire, tu vois. Ouais. Chapiteau de cirque où t'es encore avec le gros chauffage à ventilation, t'es dans tes loges derrière dans la boue et... Enfin, tu vois, il y a aussi ce côté-là. Voilà, le cirque, c'est ça aussi. Mm-hmm. Et c'est un milieu caravane, enfin, tu vois, où même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de cirques. Si t'as pas ta caravane, tu peux pas bosser pour eux parce que t'es sur les routes, tu vis dans ta caravane et pour aller de ville en ville, donc c'est les saltimbanques, quoi, tu vois. Oui, oui. Donc il y a vraiment deux aspects. Enfin, je pense qu'il y a deux branches, deux réseaux différents aussi dans ce milieu-là. Et des gens qui se spécialisent 100% dans le corporate et qui font que des events où c'est beaucoup plus des productions tournées autour de l'argent, on ne va pas se mentir. Et puis d'autres qui se spécialisent plutôt dans cirque de rue, création de spectacles. Cirque plus traditionnel, enfin dans le mode de vie, même si on fait du cirque contemporain aussi. Ouais. Super. Eh ben merci pour ce beau tour d'horizon de tous ces milieux dans lesquels tu performes et tu agis. C'est formidable. On va faire la deuxième petite pause musicale. Et là, c'est un changement d'univers total, puisque tu nous as amené du Max Richter. Yes. Path 5, donc chemin numéro 5 si on veut traduire ça. De nouveau, alors là c'est une piste de 11 minutes cette fois-ci. J'adore les longues pistes. Ça sent les impros, hein, ça sent les pistes qu'on laisse et puis on se laisse emporter dessus. Mais j'ai un numéro sur cette musique. Ah mais formidable. Eh ben dans ce cas on va passer un extrait du début de cette musique et on va laisser le public imaginer tout ce qui pourrait se passer dessus. Et puis on se retrouve pour la dernière partie de l'émission. Vous êtes toujours sur Radio Panique, c'est toujours Freaks et Merveilles et on se retrouve juste après ça. Mmh. Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Freaks et Merveilles. Ah là là, la poésie de Max Richter. Qu'est-ce qu'on l'aime. Mais oui, oui, oui. Moi, je connaissais les, sa révision des 4 saisons de Vivaldi qui est assez incroyable. Mais ça, c'est très très beau aussi. Et donc ça, tu as un numéro qui dure les 11 minutes du morceau. Plus ou moins, oui. Ah waouh. Wow. Comme je disais tout à l'heure, lenteur, suspension. Oui, ouais. Mais tu disais aussi, du coup, 11 minutes, ça fait partie des très très longs, enfin un peu de la limite haute en termes d'intensité physique. Oui, généralement, je place plus de moments dansés quand je mets des longs morceaux comme ça. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore, on n'en a pas encore parlé, mais dans... on sent assez rapidement dans ta pratique, sur tes réseaux, sur ton site, etc., qu'il y a aussi, d'ailleurs tu en as parlé, un côté dansé à ce que tu fais. Ça, c'est une formation que tu as dû faire en complément ou c'est de l'autodidacte? Comment tu as trouvé ton chemin là-dedans? J'ai 15 ans de danse classique derrière moi. Ah, mais voilà. C'est donc ça. On sort à tout. Voilà. Et j'ai fait aussi du contemporain, un petit peu. Oui, voilà, entre autres. Donc je suis fort imprégnée, j'ai grandi avec la danse classique. Donc, d'accord. Voilà, je suis démasquée. Et mais c'est intéressant. Et est-ce que tu vois des ponts? Parce qu'on, alors du peu que j'en sais, la danse classique, il y a un côté très strict. Il y a une grande discipline du mouvement. Il y a des figures assez fermes à faire, etc. Ouais. Trouver de la respiration là-dedans et en le mettant avec de la contorsion, c'est pas évident, non? Oui, tu poses un gros sujet. Non, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Mais la danse classique, oui, ça demande beaucoup de discipline, en fait. C'est très rigoureux. Et d'ailleurs, j'ai eu une prof assez dure, disons-le. Mais alors, je la remercie. Toutes les personnes qui ont fait de la danse classique qui m'ont. Tout à fait, en fait. Parler, je crois que ça n'existe pas, une prof de danse classique cool. mais en fait, ça va avec l'essence de cette pratique, tu vois. Et en fait, je la remercierai jamais assez parce que. Pour moi, la discipline, c'est hyper important. On n'arrive à rien si on n'est pas discipliné, si on n'est pas rigoureux dans ce qu'on fait. Et je pense que la contorsion, je ne l'amènerais pas de la même manière si je n'avais pas eu cette formation-là aujourd'hui. Donc, ce n'est pas tant dans la technique de la danse classique, mais plutôt dans ces qualités-là, en fait, de... Ben voilà, ta jambe ne quitte jamais le sol sans une pointe de pied. Oui, tu vois. Pointes de pied, on en parle en pôle, ça. Maintenant, c'est automatique dans le corps. Il y a cette rigueur du mouvement, des alignements, de pouvoir placer des belles lignes qui vont être esthétiques visuellement. Mais je suis très attachée à la beauté et à l'esthétisme. C'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour moi dans la vie et dans mon art. Et je pense que ça m'a été transmis aussi par la pratique de la danse. Et en fait, oui, c'est des qualités, c'est dur. Voilà, c'est dur moralement, c'est dur physiquement, mais en fait, le résultat est tellement beau. Voilà, on a dans une... En plus, en ce moment, dans une époque où on veut tout de suite, très rapidement, et on ne veut pas se fatiguer. Ça, c'est très vrai. On ne veut plus travailler. Mais en fait, ce que nous apprend la danse classique, c'est que tu veux arriver à l'excellence dans ce que tu fais, il faut travailler, il faut être discipliné, rigoureux. Alors voilà, c'est pas fait pour tout le monde et tout le monde ne doit pas faire ça. Chacun a besoin de différentes approches. Mais en tout cas, moi, ça m'a été utile pour aborder la contorsion de cette manière-là, d'une manière rigoureuse aussi pour protéger mon corps et pour avoir les lignes que je voulais amener esthétiquement parlant. Super. Ben merci pour ce petit détour par la danse classique. Et c'est intéressant de parler du coup pédagogie, exigence, etc. Parce que toi-même, tu es professeur de contorsion. Tu as du coup une structure qui s'appelle Histoire de corps. Oui. Je trouve le nom est très parlant. Comment ça s'enseigne la contorsion? Alors, comment ça s'enseigne? Un cours, tu veux, globalement, on va commencer par là. Un cours, il y a une étape d'échauffement, de préparation du corps, préparation physique, et ensuite travail des figures. Comment je l'enseigne? Disons que j'ai ma méthodologie qui est propre à qui je suis, à mon parcours, aux expériences que j'ai vécues et aux professeurs que j'ai rencontrés durant toute ma vie. Il y en a eu beaucoup. Et après, comment je l'applique, comment j'enseigne, ben, ça dépend vraiment des personnes aussi. Moi, j'enseigne beaucoup en privé, donc je crée des programmes adaptés à chaque élève. Okay. Donc un élève ou une élève arrive avec ses objectifs, et en fonction de ça, et en fonction de son corps, de son type de corps, de comment il ou elle réagit à ce que je propose, ben, on va construire, co-construire en fait. Le programme, le cours. Et donc, c'est vraiment un dialogue élève-professeur. Parfois, je parle même plus de coaching parce que, avec certaines personnes, c'est vraiment un échange co-constructif et interactif. Et donc, on crée ensemble vers où va aller la personne. Et comme tu en parlais tout à l'heure, il y a aussi un aspect mental qui est présent. Et donc, on doit aussi, d'une certaine manière, prendre en compte ça. Comment va évoluer la personne selon peut-être ses barrières physiques, mentales, émotionnelles, et comment on va trouver des astuces pour permettre à la personne d'aller plus loin et d'atteindre ses objectifs en termes de souplesse. Voilà, ça répond à ta question ? Oui. Complètement. Super. Complètement. Non, c'est passionnant. Et effectivement, oui, cette question de... Du psychique dans le physique et des barrières qu'on se met, de l'image limitante qu'on peut avoir de son corps et de ses possibles. Mmh. Est-ce que, toi, dans ton expérience, alors tu disais, pour devenir contorsionniste professionnel, il faut quand même des dispositions, etc. Est-ce qu'il y a des moments quand même où tu as dû dire, en fait, ce sera pas possible parce que ton corps n'arrive pas ou parce que... Tu veux dire des élèves qui veulent être professionnels ? Oui, par exemple, ou qui veulent une certaine pratique et en fait, à un moment, on se rend compte qu'en fait, vraiment, c'est pas possible d'arriver jusque-là. Oui, c'est dur. C'est dur. Moi, en plus, j'aime bien accompagner dans la douceur et aussi dans le positivisme. Ça se dit, positivisme. Inventons-le si ça n'existe pas. C'est-à-dire que je pense qu'avec l'encouragement, ça marche bien, surtout dans une pratique où on est... En fait, c'est très intime comme pratique. Les élèves sont en totale ouverture. En fait, quand tu ouvres ton corps, tu ouvres ton esprit, tes émotions. Et donc, c'est très intime, en fait, comme pratique. Donc, c'est difficile de dire à quelqu'un qui est en toute ouverture, écoute, ça, c'est pas fait pour toi. Donc, j'aime bien challenger et en même temps, beaucoup aussi encourager sur les progrès qui se font, parce que les personnes peuvent se décourager parfois assez vite. Donc, c'est bien de toujours les amener à voir ce qui a progressé. Et parfois, la progression, c'est pas forcément la figure qui a progressé, mais c'est déjà des sensations. Tiens, je me sens mieux. Tiens, avant, je pouvais pas respirer dans cette posture. Maintenant, je peux respirer. Ah, là, je tiens 4 secondes de plus. En fait, c'est énorme. Il y a des gens pour qui 1 centimètre d'avancée, c'est énormissime. Et d'autres... pas du tout. Oui. Et donc, en fait, c'est toujours ce dialogue de savoir qui j'ai en face de moi pour savoir comment amener la chose. Après, je ne veux pas non plus donner des faux idéaux. Donc, je peux dire à la personne, écoute, ça, on va le travailler, mais ce n'est pas avant dans 10 ans, quoi, tu vois. Et parce que parfois, c'est ça. Oui. Et on ne sait pas si ça arrivera même dans 10 ans. Mais on peut se dire, avant, dans déjà 2-3 ans, ce n'est pas possible. Donc, ça ramène un peu à ce que tu disais plus tôt d'un besoin de rigueur et de travailler dans le temps et que, en fait, ça se fait dans le temps long de former un corps et de se former soi, quoi. Oui, et puis aussi que ça, c'est vraiment un point essentiel, c'est que parfois, les personnes cherchent à... Enfin, ont des objectifs qui ne collent pas à leur corps. Et donc, moi, j'aime bien souvent ramener aussi au fait que... tu vois, on parlait de quelle est ma contorsion, mais... Je renvoie ça à mes élèves aussi. Quelle est ta contorsion ? Si tu veux me montrer des photos de « tiens, je veux faire ça », mais si ça ne va pas avec ton corps n'est pas fait pour ça, il ne faut pas le forcer à faire ça. Il faut chercher où tu es, quelle est ton essence, quelle est ta qualité, quelle est ta signature. Et là, on va trouver des vraies richesses, en fait. Et il faut persévérer dans ce chemin-là. Il faut aussi travailler ce qui est difficile et tout, bien sûr. Je pense que pour certaines personnes, il faut aussi pas s'obstiner sur des objectifs qui sont inatteignables parce que leur corps ne peut pas les faire. Mais il y aura toujours d'autres options pour aller quand même dans la contorsion, mais juste différemment. Super, merci beaucoup. Alors pour clôturer cet épisode, mais si on revient du coup à toi Gabriel, est-ce que tu as des actualités qui arrivent? Est-ce que tu as des projets en route? C'est quoi, où est-ce que tu te vois dans quelques années? Comment ça se développe pour toi? J'ai trop de projets en route. J'ai trop de projets en route, mais j'ai un projet notamment qui est un très gros projet. Je pense que c'est un peu le projet de ma vie, mais parce que ça fait déjà des années que j'y pense, qu'il est mûri, que c'est une petite graine qui prend forme petit à petit. Et que là, ça y est, concrètement, on travaille dessus. Je dis « on » parce qu'on est une équipe. Okay. Donc c'est un projet de spectacle vivant sur lequel je travaille avec 5 autres artistes. Okay. Qui sont pluridisciplinaires. Trop bien. Donc c'est des artistes qui sont hyper touche à tout et qui ont des identités artistiques incroyables et voilà, des personnes qui m'inspirent beaucoup. Et donc on est en création, on commence notre première résidence au mois de juin. Ah waouh. Donc ça va être un grand moment pour moi. Je sais pas combien de temps je sais de combien de temps on va avoir besoin pour créer, mais il y a toute cette temporalité aussi de la production, la diffusion. Oui, je connais bien tout ça, mais oui, oui. Ouais. Donc oui, c'est pas avant, dans 2, 3, 4 ans qu'on pourra voir ça sur scène, a priori. J'espère le plus tôt possible. Je dois trouver des sous pour ça. Je fais un appel. Écoute, je suis pas sûre que ça va aider, mais on entend. Je plaisante. On entend, voilà. Non, mais on ne sait jamais. Hein, que, c'est des producteurs, écoute. Et donc ça, c'est plutôt un spectacle cirque ou bien, parce que tu dis que c'est pluridisciplinaire, mais ouais. Tu sais déjà quand même vers quoi ça va se tourner comme esthétique ou comme... Oui. Je ne vais pas trop en dire parce que je suis un peu superstitieuse sur ces choses-là. Très bien. Et je sais que les meilleurs projets qui aboutissent sont ceux qui restent un peu secrets. Mais... globalement, le thème, c'est autour du milieu de la nuit. Ça parle du réel, de l'irréel, d'une vie fantasmée, d'une réalité qui est distordue. Ça mêle le fantastique un peu à tout ça. Et les artistes, c'est très varié, mais c'est quand même globalement toujours autour d'une même esthétique qui est... quand même de plus ou moins près lié un peu au freak show. Ok. Et donc il y aura du crump, il y aura du cerceau aérien, du drag, de la pole dance, de la danse contemporaine. Oh, ah ouais, c'est. Ouais. Ok, le menu est très alléchant en tout cas. Et ben ça j'imagine que tu le posteras sur tes réseaux sociaux, sur Instagram, oui. Sur ton site internet, etc. Donc ouais. J'ai en pleine création de compagnie. Pour ce spectacle qui s'appellera Dance with Your Darkness. Wow. Voilà. Super. Et à plus court terme, est-ce que donc là l'épisode est diffusé à la mi-mai, est-ce que tu as des dates qui arrivent, des endroits où on peut te venir voir ce que tu fais en vrai? À Bruxelles, pas trop pour l'instant. Ok. Ouais. Ces derniers temps, j'ai plutôt eu des dates Luxembourg et un peu plus loin en Belgique. Mais je posterai tout sur les réseaux dès que j'ai des dates à Bruxelles. Et même parce qu'on a des gens qui nous écoutent ailleurs qu'à Bruxelles, dans d'autres villes de Belgique ou au Luxembourg, où tu as déjà des dates à donner ou ça sera posté Pas sûr. Pas okay. Confirmé pour l'instant, donc je préfère pas annoncer. Très bien. Je travaille plutôt sur des projets photos aussi en ce moment. Donc, super. Voilà, ça va. Parfait. Mais ça va venir. Et ben, on reste à l'écoute et on a hâte de découvrir tout ça. Et bien, merci d'être venu. Avant de te laisser repartir, 4 petites questions rituelles que je pose à tout et toutes mes invités. Sans la contorsion, tu serais devenu quoi? Tu serais devenu qui? Je serais scénographe. Ah ben oui, évidemment. Voilà. C'est mon premier métier, je pense. Donc scénographe pour le cinéma, c'est ça que tu disais? Oui, théâtre, je pense, surtout théâtre. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu gardes dans ta pratique en termes de créer, créer un costume, créer une ambiance Oui, je suis, j'allais dire obsédée. Moi, je vais le dire, je l'ai dit. Je suis obsédée par le thème du labyrinthe. Donc cette construction de l'espace qui permet de se perdre. Mmh. Donc c'est un thème qui me plaît beaucoup et que j'essaye d'adapter et de remettre dans mes prestations. D'accord, super. Et ton corps devient parfois même un labyrinthe du coup dans lequel on se perd. Si tu avais tout le budget du monde pour faire un show, tu ferais quoi ? Celui que je suis en train de créer. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment. Dance with your darkness que tu. Ouais. En fait, je sais que pour l'instant, on n'aura pas trop les sous d'arriver à la forme que j'ai dans mon idéal tout de suite. Donc, j'espère que ça va être une petite forme qui va évoluer, grossir jusqu'à atteindre ce fameux idéal que je réaliserai maintenant si j'avais les sous. Très bien, bah c'est ce qu'on te souhaite. Enfin, sans vouloir jinx le projet. Alors, question particulièrement intéressante, vous parlez beaucoup, ton corps et toi ? Oui, tout le temps. Un peu trop parfois. Lui me parle trop parfois. Et... Oui, il réagit trop vite à trop de choses. D'accord. Mais voilà, on a appris. Tu gardes quand même les canaux ouverts. Oui, c'est ça. Tu ne romps pas la discussion pour autant. Comment ? Tu ne romps pas la discussion pour autant. Ah non, du tout. Tu restes à l'écoute. Oui, oui, 100%. Super. Et finalement, plutôt Freaks ou plutôt Merveille, Gabriel ? Dure question. Dure question parce que j'adore la dualité. Et j'aime, enfin, tu les as vus dans les deux musiques, quoi. C'est vraiment mes deux univers 100% opposés. Eh ouais. Donc, ça dépend des périodes. Des périodes, je suis plutôt Freaks, d'autres plutôt Merveille. Et alors, j'ai envie de répondre peut-être Freak Veille. Eh bien, on va. Non, mais c'est très bien, on va laisser ce néologisme Freaks Veille comme. Comme mot de la fin. Merci en tout cas beaucoup, Gabriel, d'être passé. Un grand merci d'être à toi. Passé. C'était très, c'était assez passionnant de découvrir la contorsion et ta contorsion avec toi. J'ai très, très hâte maintenant de te voir sur scène. Donc, je serai particulièrement attentive à voir où et quand est-ce qu'on peut venir te voir et t'applaudir. À bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Et puis, le meilleur pour tout ce qui t'attend encore merci. Maintenant et à l'avenir. Voici qui clôture cet épisode de Freaks et Merveilles. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, il y a plein d'autres émissions à écouter sur tous les réseaux que vous savez. N'hésitez pas à recommander le podcast sur les différentes plateformes où il se trouve pour qu'on gagne en visibilité et qu'on atteigne des millions de personnes. Si vous souhaitez être informé des actualités du cabaret queer sans passer par les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me contacter via mail freaksetmerveilles@protonmail.com et je vous inscrirai sur la newsletter Glitter Garage. Freaks et Merveilles est une émission imaginée, enregistrée, montée et diffusée par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et les audios de Kim Baxter. Elle est propulsée par Murmure ASBL et diffusée un samedi sur 2 sur Radio Panique. Merci à elle. Et n'oubliez pas le plus important, allez voir les Freaks et les Merveilles sur scène.